بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم مختصر أحكام الصيام كي لو ريزومي دي ريغل دو جين مي ان رياليتي سي بيان تو بلوس ليي او رمضان. هذه كومونتي با ابو تيمية خليل المتنيكي حفظه الله تعالى. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، donc à l'occasion de la venue du mois de Ramadan très prochainement bismillah ta'ala, on va lire dans un livre Malzama fascicule écrit par notre cher Mohamed Ibn Hizam. Obel Afwan. Yani à la base, Naam, c'est un livre de Cheikh Mohamed Ibn Hizam qui s'appelle Idhaf al-Anam bi Ahkam wa Masail al-Siyam. Cheikh Mohamed Ibn Hizam qui écrit un livre comprenant un bon nombre de masail, de sujets, de questions qui sont importants au Siyam, au jeûne. Qui a été résumé par un des toulab qui s'appelle Abu Abdillah Moussa Ibn Abdillah Ibn Yusuf Al-Balaawi. Qui a résumé les points essentiels à savoir pour le mois de Ramadan. Donc c'est un fascicule yani, profitable pour le débutant. Et dont peut se passer même le confirmer. Inch'Allah, on va en faire une traduction, lire en arabe puis en français, car le document en lui-même est déjà résumé. Les choses essentielles et primordiales et indispensables à connaître pour le mois de Ramadan, par rapport au jeûne, au siyam. D'accord ? Et Cheikh Ibn Hizam, qui est l'auteur du livre de base, a lu ce fascicule est autorisé à sa propagation. Hafizahullah ta'ala. Donc elle s'appelle Mukhtasar Ahkam al-Siyam, qui est le résumé des règles du jeûne. Mais en réalité, c'est bien tout plus lié au Ramadan. Quand il va parler de siyam, il va parler de l'irtikaf, il va parler de Il est tout le codin. Non. Donc après qu'il ait fait la Mukaddima, dans laquelle il fait l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala et le loup, il dit qu'après avoir fait une muraja'a, une révision du livre de Cheikh Mohamed Ibn Hizam, qu'il avait décidé d'en faire un résumé. Taïeb. Il a dit Al-Faslu al-Awwalu al-Siyam. Donc, on va dire, premier chapitre. Le siyam, le jeûne. Le jeûne. En arabe, on dit saum ou siyam, qui est le verbe. Sama yasumu siyaman ou sauman. Qui veut dire jeûner. Ta'rif saum, sa définition. Lughatan al-imsaku wa minhu qawluhu ta'ala inni nazartu lirrahmani sauma. Donc, littéralement parlant, la définition littéraire. C'est l'imsek. L'imsek, c'est le fait, c'est l'abstention, de se retenir. D'accord ? L'imsek, c'est l'abstention, le fait de se retenir. Somme, ça veut dire ça. Et la preuve, c'est la parole d'Allah, dans le sens où il dit, certes, parlons de Mariam, après qu'elle ait accouché de Isa, alayhissalam, qu'elle lui dit, certes, j'ai fait le vœu pour le Rahman, de m'abstenir. Et là, dans ce verset, le sens est s'abstenir de parler. Elle se retient de parler, elle ne parle pas. Non. Il a été dit que les gens du livre étaient rapportés d'eux que parmi leur façon de jeûner, il y avait le fait qu'ils se taisent. Non. Mais ça, c'est encore une chose sur laquelle il y a eu divergence, c'est pas le sujet du jour. Après, شرعاً قال القرطبي رحمه الله تعالى هو المساك عن المفطرات مع الاقتران النية مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Il a dit le siyam, le saum, dans la législation, c'est quoi sa définition? C'est le fait de s'abstenir, de consommer les choses qui font rompre, mufattirat comme on dit, fattirat, c'est les choses qui annulent le jeûne, tout en ayant la niya, et cela du lever du fajr de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et ça, la référence est dans Tafsir et Qurtubi dans Surat al-Baqara, dans le verset 183. On a pris les deux définitions, celle qui est littéraire et celle qui est légiférée. Deuxièmement, Mata Furida Shahr Ramadan. Quand est-ce que le siyam du mois de Ramadan a été rendu obligatoire sur la Ummah? Qala al-Hafiz al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, Sama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tis sinin. لأنه فرض في شهر شعبان في سنة الثانية من الهجرة وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. Donc il dit que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم a jeûné durant 9 ans, car le mois de Ramadan a été rendu obligatoire, c'est-à-dire le 6e, au mois de Sha'ban, dans la deuxième année de la Hijra, il était déjà à Médina. Et que par la suite il est décédé quand? Au mois de Rabi al-Awwal, dans la 11e année de la Hijra. Donc ça fait combien? 9 ans. Et il cite une parole de Cheikh Abdullah al-Bassam, rahimahullah ta'ala, qui dit dans son charh de Bulugh al-Maram: Wa furida soum Ramadan fi Sha'ban fi sanati thaniya min al-Hijra, wa soum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ki sata Ramadanat ijma'an. Qu'il est dit que le jeûne de Ramadan a été rendu obligatoire au mois de Sha'ban, du mois de Hijri. Sha'ban, c'est le calendrier hijrien, comme on dit. La deuxième année de la Hijra. Car on sait que le calendrier Hijri et hijrien commence de quand? À partir de la Hijra. C'est là qu'ils ont commencé à mettre la date hijrienne. Non. Donc la deuxième année après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait fait la Hijra, du mois de Sha'ban de cette année-là, le 6e de Ramadan a été rendu obligatoire. Donc il a fait 9 mois de Ramadan. Et cela avec Ijma, il dit. Unanimité des savants. Là-dessus. Il cite en ta'aliq, en annotation, en bas de page, qu'il est dit que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahmallahu ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit As-Soum Khamsatu Anwa', que le jeûne est de 5 catégories. As-Soum Al-Mafroud Bishar, wa huwa Soum Shar Ramadan, Ada'an wa Qada'an. Donc il dit le jeûne imposé par la législation, c'est celui qui est du mois de Ramadan. Qu'il s'agisse de son application ou de son rattrapage. Pour celui qui n'ont pas pu jeûner, qui le rattrape. Ça, c'est obligatoire, c'est imposé à tout mukallaf qui est en mesure de le faire. Ça va venir, c'est quoi le mukallaf? Celui qui doit jeûner, ça va venir, inchallah. Il dit également As-soum wajib fil kaffarat wal wajibat bil nadhr wa soum tatawwu'. Donc il dit il y a le jeûne qui est obligatoire. C'est lequel? Celui qui est obligatoire en dehors de ce Ramadan. Celui pour les expiations. L'expiation comme pour le fait d'avoir juré, après d'avoir rompu son serment, pour le fait d'avoir fait un vœu et de ne pas avoir effectué ce vœu. Ou, mathalan également, le fait d'avoir tué un musulman par erreur. Et autres. Là, ça s'appelle kafarat, expiation. Donc là, le fait de jeûner est obligatoire. Également pour le vœu, comme on l'a dit. Et en dehors de cela, le jeûne, le siyam, est tatawwu', c'est-à-dire il est surérogatoire. Et dans certains moments, il est mustahab, comme Ashura, comme Arafat, ces jours-ci. Et le 3 jours de chaque mois, le lundi, le jeudi, ou pour ceux qui ont la force, un jour sur deux. Tout ça, c'est mustahab. C'est recommandé. Puis il dit, troisièmement, Thalithan, Ahwal, Faridat al-Siyam. Yani, comment a évolué, on va dire, la situation du jeûne? Comment elle est arrivée? Il dit, Awalan, Umira al-Muslimuna Awalan, Bisiyam, Yom Ashura. كما في الصحيحين من حديث عائشة وابن عمر. Donc il dit, en premier lieu, les muslimoun, c'était quoi la première étape? Il aurait été obligatoire de jeûner le jeûne de Ashura, qui est le dixième jour du mois de Muharram. Comme cela est venu dans des hadiths authentiques rapportés par Bukhari al-Muslim, selon Aïcha ibn Omar, radiallahu anhum. Donc en premier lieu, il n'y avait pas de Ramadan. C'était Ashura. Thanien, thumma faradallahu shahr Ramadan. Fasara siyam yom Ashura mustahabban. Donc par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala a imposé le mois de Ramadan. Donc le siyam du jour de Ashura est devenu mustahab, recommandé. وعند أن فرض شهر رمضان كان الناس مخيرين بين الصيام والإطعام كما قال تعالى والذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وإن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Donc, et même lorsque Ramadan est arrivé au début, les gens avaient le choix ou de jeûner ou d'expier en nourrissant des pauvres. Au début, ils avaient le choix. Comme le prouve la parole d'Allah, dans le sens où il dit, et que ceux qui sont en mesure de jeûner, alors soit ils expient en nourrissant des pauvres, d'accord? Mais quant à celui qui jeûne de lui-même, alors cela est meilleur. Le jeûne est meilleur si seulement vous saviez. Donc là, vous avez le choix. Soit tu jeûnes, soit tu nourris des pauvres. Mais le fait de jeûner, t'es meilleur. Comme le montre le verset. Puis, قال ثالثا ثم نسخ الله ذلك فأوجب الصيام بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala a abrogé ce jugement par le verset qui suit. Et il a rendu obligatoire le fait de jeûner pendant le Ramadan. فقال تعالى, dans le sens, il dit, et celui d'entre vous qui voit le mois de Ramadan, c'est-à-dire qui est résident en un lieu, qui voit le mois de Ramadan, la nouvelle lune, qui la voit lui-même ou qu'on l'en informe, alors qu'il jeûne. Faliyasum. Là, c'est obligatoire. Waddalilu ala dhalika hadith Salamah ibn al-Aqwa رضي الله عنه في الصحيحين قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. Donc il dit, la preuve de cette abrogation, de ce nasr, c'est le hadith de Salama ibn al-Aqwa رضي الله عنه, dans les deux authentiques de Muslim et le Bukhari, qui dit que lorsque la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est descendue, c'était précédemment, qu'on a lu tout à l'heure, il a dit à cette époque-là, celui qui voulait rompre, d'accord, et expier avait le droit, jusqu'à ce que vienne et descende le verset d'après, qui est venu pour l'abroger. C'était quoi le verset d'après? Aman shahida minkum al-shahr falyasum. Celui d'entre vous qui voit le mois et qui est résident, alors qu'il le jeûne. Donc là, on a vu les étapes. La première étape, il n'y a pas de Ramadan. C'était Ashura. Après Ashura, Ramadan est venu, a été légiféré, mais cependant, il a été mis que pour celui qui veut jeûner. Et celui qui ne veut pas jeûner, il expie. il nourrit des pauvres. Et par la suite, troisième étape, Ramadan est devenu obligatoire pour tout Mukallaf. Comme cela va venir. Donc maintenant, il dit Rabi'an, ala man furida siyamu Ramadan. Sur qui le jeûne de Ramadan a été rendu obligatoire? Qui sont les gens pour qui l'obligatoire de jeûner? Qala wa fardun ala kulli muslimin balighin aqilin muqimin qadirin ala siyam. Donc il dit qu'il est obligatoire pour tout musulman pubère doté de raison. D'accord? Ce qui est de dire que celui qui est par exemple le fou ou ceux qui ont par exemple qui ont un handicap mental, ce genre de choses, c'est pas obligatoire pour eux. Muqim, celui qui est résident, qui n'est pas en voyage. Et Qadir, qui est en mesure de pouvoir jeûner, qui a la force physique de pouvoir jeûner. Ceux-là, leur obligatoire, homme ou femme. Homme ou femme, celui qui remplit ces conditions, doit jeûner obligatoirement. Après, il dit en ta'liqat, en note de bas de page, que la législation également a donné des permissions de rompre le jeûne. Mais par la suite, il faut qu'il rattrape. D'accord ? Il faut qu'il rattrape. Et ces excuses, ces permissions, ne sont basées que sur des dalils. Elles ont toutes des preuves à l'appui. Comme par exemple, la maladie, celui qui est malade, qui tombe malade pendant le Ramadan, d'accord, il peut ne pas jeûner. Celui qui est en voyage. Également, les menstrues pour les femmes, ou les lochis pour les femmes, ou également celui qui ne peut endurer le jeûne, pour qui c'est trop dur, qui n'a pas la force physique. Ou celui à qui ce jeûne pourrait causer des préjudices physiques. Il pourrait peut-être même en mourir s'il jeûne. Par exemple, personnes âgées ou des gens comme ça qui ont des maladies, s'ils jeûnent, ça leur porte préjudice. Donc on avait dit la femme enceinte, par exemple, ou la femme qui allaite. Si jamais sa grossesse et son allaitement, d'accord, sont trop durs en durée avec le jeûne, elle a le droit d'arrêter. Car l'enfant, son allaitement est un droit qu'il a. Le fait d'allaiter l'enfant, pour une femme qui est en mesure de le faire, c'est même wajib. Des hadiths sont venus que la femme qui peut allaiter ne le fait pas, sans excuse, elle est menacée d'un châtiment yom al-qiyam. Dans ce sens-là, c'est venu le hadith. On se rend compte que c'est un grand péché. S'il y a une menace qui vient derrière, c'est un grand péché. Une femme qui peut allaiter son enfant, qui ne le fait pas sans excuse, elle a commis un grand péché. Naam. Et bon, là, ce n'est pas le sujet. Également, parmi les excuses, le djihad. D'accord, le djihad. Les combattants, fi sabilillah, qui n'arriveraient pas à jeûner car ils seraient affaiblis à cause de ce jeûne, ont le droit de rompre. S'il veut, il jeûne. De toute façon, je l'enregistre. Donc s'il veut, il jeûne. Et s'il sent que ça va l'affaiblir, ils ne pourront pas accomplir leur obligation, ils rompent. D'accord, ils rompent. Donc tous ceux-là sont excusés et peuvent rompre leur jeûne. Et également, ils ont le choix. Soit ils jeûnent, et ils endurent, et ils patientent, et s'ils n'y arrivent pas, ils rompent. Également, la personne âgée, il a cité la personne âgée, qui ne peut jeûner pour cause de faiblesse, et également qui ne peut rattraper par la suite, ou le malade, qui a une maladie chronique ou continue, c'est-à-dire il est malade pendant le Ramadan, même après, il ne peut pas jeûner, c'est quelqu'un qui ne peut pas jeûner jamais. Alors eux, ils nourrissent des pauvres. D'accord ? L'expiation, le fait de nourrir des pauvres, c'est pour celui qui n'a plus jeûné pendant le Ramadan et ni après. Eux nourrissent un pauvre pour chaque jour non jeûné. Ah ben celui qui peut rattraper, qui peut jeûner par la suite, lui il rattrape les jours manqués. Non. Une question souvent qui est posée, c'est celui par exemple qui n'a pas jeûné à Ramadan ou certains jours de Ramadan. Et le Ramadan d'après arrive, il n'a pas rattrapé ces jours. Qu'est-ce qu'il fait? Les ulama disent tout simplement, ben, il rattrape ces jours-là après le Ramadan. Deuxième Ramadan, il le fait. Et les jours qui manquent du Ramadan d'avant, le précédent, il le rattrape. Après, ils disent, Si jamais il était négligent, il aurait pu les rattraper, il n'a pas fait, il a commis un péché. Maintenant, s'il n'a pas pu, il est excusé, il était occupé, il y a des choses qui l'ont empêché de jeûner, il rattrape par la suite. Mais l'autre, il rattrape, et en plus, il fait tawba d'avoir repoussé, parce que l'autre ramadan, il y rentre. D'accord ? Donc, celui qui n'a pas pu rattraper ses jours avant la venue du deuxième ramadan, en mesure de la cause qu'il a retardée, soit il a une tawba à faire, plus il rattrape, ou il rattrape seulement. Non. Et ça, ce sont plus les femmes qui sont amenées à ça, parce qu'elles ont leur menstru. Donc, elles, c'est presque sûr que celle qui n'est pas enceinte, et qui n'est pas... qui n'a pas de, comment on appelle ça, de ménopause, c'est-à-dire qu'elle s'est menstruée, elle sera forcément amenée à avoir au moins un cycle dans le mois, dans le ramadan. Mathalan. Ou les femmes qui sont enceintes, également. Souvent, ce sont les femmes qui sont amenées à ne pouvoir jeûner pendant le ramadan, pour autre que la cause de la maladie. Après, la maladie, c'est tout le monde, homme ou femme. Taïeb. Donc ça, c'était un ta'liq qu'il avait fait en bas de page, de la malzama. Donc on continue... D'accord, dans ce qu'il disait par rapport à, aux gens pour qui Ramadan est obligatoire. C'est Rabia. On est arrivé jusque là. En fait, là, j'ai lu le tariq, ça, là, c'était ça. Alors, on va suivre là. Taïeb. Thumma qal, wa qad dala ala dhalika al-kitab wa sunnah wa l'ijma'. C'est-à-dire, ces gens-là qu'on a cités auparavant, pour qui c'est obligatoire, c'est-à-dire le musulman pubère, qui est doté de raison, qui est résident, c'est-à-dire qui n'est pas en voyage, et qui est en mesure de pouvoir jeûner. Il y a ijma'. Le kitab wa sunna, unanimité qui doit jeûner. Qala, amma min al-kitab, faqouluhu ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaykum al-siyam, kama kutiba ala allazina min qablikum, la'allakum tattaqoun. Il est qawli, l'akhir, mbashara, shahru ramadan, alladhi unzila fi al-Qur'an, hudan lil-nas, wa biyinatin min al-huda wa al-furqan. Faman shahida minkum al-shahr, falyasum. Donc la preuve du livre, du Coran, sur l'obligation de Ramadan, c'est la parole d'Allah dans le sens où il dit « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit, comme il était prescrit, à ceux d'avant vous, afin que vous craigniez. » Jusqu'à la fin du verset où il dit « Et celui d'entre vous qui voit le Ramadan, alors qu'il est résident, dans le tafsir, c'est ça que ça veut dire, qu'il est résident, ou plutôt afwan, cher Ramadan, le mois de Ramadan, celui dans lequel le Coran a été descendu, une guidée pour les gens, et une preuve claire de la guidée et du discernement, celui d'entre vous qui voit le mois de Ramadan et qui est résident, alors lui, il doit jeûner. Lui, il doit jeûner. Naam. Donc ça, ce sont les deux versets shahid qui détiennent la preuve de l'obligation du jeûne pour les gens cités précédemment. Et les preuves de la sunna, qala, wa amma min sunnati, فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس وذكر منها صيام رمضان. Parmi la dans la sunna, c'est quoi la preuve? C'est le hadith d'Ibn Omar qui est dans les deux authentiques de Bukhari et Muslim, où il dit que l'islam a été bâti sur cinq, c'est-à-dire cinq piliers, et parmi eux cita au siyam ramadan. Qui nous rappelle les cinq piliers? Les cinq piliers. Aïwa, shahada. Salah. Az-zaka. Siyam. Wal-hajj. Ahsant. Et regardez la tambih par rapport à Allah où il dit Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Comme il était prescrit devant vous. Cela démontre que le siyam est également une chose légiférée chez les communautés antérieures. Et d'ailleurs même les cinq piliers trouvés en islam actuellement étaient présents dans les communautés antérieures. Maintenant, de quelle façon, on ne sait pas. L'attestation de foi, il l'avait. La ilaha illallah, il le disait. La salat, il l'avait. Plusieurs versions sont venues dans le Coran. Comme a dit Salam Ta'ala fi Shan Isa wa awsani bi salati wa zakat ma dumtu hayya. Isa dit, il m'a exhorté à la salat et la zakat tant que je suis vivant. C'est-à-dire qu'à l'époque de Issa, il y avait déjà ces choses-là. Le Hajj, depuis Ibrahim. Eh bien, ce sont venus depuis Ibrahim. Et le Siyam, c'est quoi la preuve? Ce verset. Donc les cinq piliers de l'islam ne sont pas nouveaux. Maintenant, de quelle manière ils étaient accomplis les salats? Comment est-ce qu'ils jeûnaient? Comment est-ce qu'ils faisaient le Hajj? Tout ça, on ne sait pas. les rites ils ont changé par la suite. Naam. ثم قال واما الاجماع donc quant à l'unanimité فقد اجمعت الامه اجماعا ظاهرا على وجوب صيام شهر رمضان وعلى من انكر وجوبه كفر او كفر. Je pense qu'il y a un mot en plus. Normalement, ce serait plutôt Waman ankara wujubahu kafar. Là, le ala, je ne sais pas pourquoi il est là, il change la phrase. Ala kullin, il dit donc, quant à l'unanimité, le consensus, que la communauté est unanime, d'accord, d'une unanimité apparente connue, que le jeûne de Ramadan est une obligation. Et que celui qui renie cela aura mécru. Celui qui dit que Ramadan, c'est pas, le système de Ramadan, ce n'est pas obligatoire, aura mécru cette parole-là. Et Tabaran, cela est valable pour celui qui a connu la preuve. D'accord ? Par exemple, demain, quelqu'un qui se convertit à nouveau, il ne connaît pas, on dit c'est obligatoire, il fait non. Il ne connaît pas encore. Mais à partir du moment où il a lu les versets, on lui a expliqué. Les ahadith, on lui a expliqué, là, il ne peut plus dire non, c'est obligatoire. S'il dit non après cela, là, il aura mécru. L'ignorant est excusé pour son ignorance dans certaines situations comme celle-ci. Pareil. Après, il dit Mas'ala. Question. Yani. Quatre figures. Alladhi la yutiqu as-siyam ka-shaykh al-kabir wal-marid maradan mustamirran hal yulzimuhu idha aftara al-fidyata aw al-it'am. Donc, il dit la question. Celui qui ne peut jeûner, comme l'homme âgé, ou le malade, d'une maladie continue, est-ce qu'il doit. Si jamais il rompt son jeûne, est-ce qu'il doit expier ou nourrir? Quand il dit expier, ils disent le fait de rattraper. Le fait de rattraper. Donc il dit al-jawab ikhtalafa al-ulama fi dhalika. Fadhab al-jumhur ila al-ilzam. والصحيح انه مستحب لان عددا من الصحابه فعلوا ذلك وامروا به. Donc il dit que les savants ont divergé par rapport à cela et que le jumhur, la plupart des savants sont partis dans le fait que cela lui est obligatoire. Mais ce qui est authentique, là on cite bien ce qui est dit là dans cette malzama, ce sont les avis de Cheikh Mohammed ibn Hizam. Il se peut que maintenant qu'un autre savant, un autre savant ait un autre avis et que quelqu'un soit plus convaincu de l'avis de l'autre savant. D'accord ? Là, on cite, là, on rentre dans le khilaf pour dire, hein, il a dit telle chose, après on débat les. On débat des arguments, savoir qui a raison, qui a tort. Là, on se contente de lire ce que Cheikh Mohammed Mizam y voit. D'accord ? Lui-même, il rapporte pas tous les khilafs en détail. À la base, ce livre du Siyam qu'il a fait, il l'a extrait de son livre de Boulour al-Maram, Fath al-Allam. Et dedans, il cite bien les khilafs en détail. Dans les mazahib. Tel savant dit telle chose. Tel savant dit telle chose. Et sa preuve, c'est telle chose. Sa preuve, c'est telle chose. Mais moi, je vois que ça et ça et ça et ça. Là, il donne en résumé. D'accord ? Là, il donne en résumé. Pourquoi ? Comme on l'a dit, c'est des éléments élémentaires, indispensables pour jeûner pour débutants. Et en même temps, un rappel pour celui qui connaît déjà. Non. Donc, lui, il voit que ce qui est authentique, c'est que cela est recommandé. Car un grand nombre de sahaba ont agi de la sorte et cela leur était ordonné. Et il dit وليس بواجب لانه ليس هناك دليل صريح على الالزام. Car il dit qu'il n'y a pas l'obligation, car il n'y a aucune preuve claire qui indique l'obligation. اما الايه وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين. Quant au verset, dans le sens où il dit quant à celui qui peut jeûner, qui a la force, qui le rattrape, son explication c'est quoi? C'est de nourrir des pauvres. Il dit ça, c'était au début. فَهَذَا كَانَا فِي بِدَيَةِ الْأَمْرِ ثُمَّ نُسِخَتْ. On l'avait dit tout à l'heure. Ça, c'était au début. Lorsqu'il y avait le choix. Quand Ramadan n'est pas obligatoire. C'est où tu jeûnais, où tu expiais, les jours où tu ne jeûnais pas. Ça, c'était au début. Ce verset était abrogé. Par quel verset? Celui d'après où il dit قَالَ تَعَلَى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ شَهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Celui d'entre vous qui a vu le mois de Ramadan, mais qui est résident, alors qu'il jeûne. Après, il apporte une parole d'un savant pour appuyer ce qu'il dit. Qale ibn Hazm. والشيخ والعجوز اللذان لا يطيقان الصوم فالصوم لا يلزمهما. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإذا لم يلزمهما الصوم فالكفارة لا تلزمهما أو لا تلزمهما لأن الله تعالى لم يلزمهما إياها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم والأموال محرمة إلا بنص أو إجماع. Donc là, Ibn Hazm, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que la personne âgée, ou celui qui n'a pas pu jeûner pendant Ramadan, et qui ne supporte pas le siyam, d'accord ? Ils ne sont pas obligés de le rattraper. Car Allah, dans le sens où il dit, Allah n'impose point à une âme ce qu'elle ne peut supporter. Il dit, s'il ne l'aurait pas imposé de rattraper le jeûne, également l'expiation du fait de nourrir le pauvre ne l'aurait pas imposé, car Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aura pas imposé, ni son messager sallallahu alayhi wa sallam, et que les biens des gens sont interdits. On peut prendre ton argent si ce n'est par un texte clair ou une unanimité. Après, dit Khamisan, Mata yajib siyam shahr Ramadan. Quand est-ce qu'il est obligatoire de jeûner Ramadan? Faqal, yajib siyam shahr Ramadan bi ruyat hilalihi ou ikmal iddat sha'ban 30 yawma. لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموه وإذا رأيتموه فأفطروا وإن غم عليكم فاقدروا له وفي رواية فاقدروا له 30. Donc il dit que le mois de Ramadan, son jeûne est rendu obligatoire quand, à partir du moment où la nouvelle lune a été vue. Ou alors, s'il n'a pas été vu, si le mois de Sha'ban a atteint 30 jours, alors c'est-à-dire que le jour d'après, le lendemain, c'est obligatoirement le premier de Ramadan. Parce qu'il n'y a pas 31 jours dans les mois égyriens. C'est ou 29 ou 30 jours, comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'elle est El-Shahr, Ha-Kada, Wa-Ha-Kada, Wa-Ha-Kada. Ou Ha-Kada, Wa-Ha-Kada, Wa-Ha-Kada. C'est-à-dire dans le hadith, il a montré qu'il a dit que le mois, c'est ou 29 jours. Avec ses doigts, elle a fait 29, ou alors elle a fait 30. Il n'y a pas 28 jours, et il n'y a pas 31 jours. Donc si jamais tu arrives au 30e jour, c'est que le lendemain, c'est un nouveau mois qui commence, obligatoirement. Même si la nouvelle lune, tu ne l'as pas vue, c'est automatique. Donc, on commence le 6e de Ramadan, soit la vision de la lune, comme ça va venir, ou alors que le mois de Sha'ban, il arrive à 30 jours. Par exemple, le soir, tu arrives au 30 de Sha'ban. Les gens disent, est-ce qu'on jeûne demain ? Il faut voir la lune. Il n'y a plus besoin de voir la lune maintenant. Sha'ban, c'est 30 jours. Donc demain, c'est Siyam Akid. C'est sûr qu'il va jeûner, Inch'Allah. D'accord ? Du moins, c'est sûr que Ramadan, c'est demain. Maintenant que tu jeûnes, tu peux tomber malade, tu as quelque chose, autre chose. En tout cas, le lendemain, c'est Ramadan, Akid. Taïf. Donc après, il dit, comme cela est venu dans le hadith rapporté par Ibn Omar, le hadith rapporté par Bukhari ou Muslim, où il dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous le voyez, c'est-à-dire le mois de Ramadan, ou plutôt la lune, l'hilal, alors jeûnez. C'est-à-dire en début de mois. Si on voit le hilal, on jeûne. Après, il dit, si vous le voyez, alors rompez. C'est quoi? C'est en fin de mois. Si on voit le hilal, Ramadan, c'est fini. Et à la fin, il dit, et si jamais vous ne l'avez pas vu, le Hilal, c'est-à-dire la nouvelle lune, croissant de lune, alors estimez-le. C'est-à-dire, après 30 jours, on jeûne. On jeûne. Et comme cela fait appuyer par une version où il dit, alors estimez-le à 30 jours. Le rawi d'après, il le dit. Salatine. Après, elle dit وَيَكْفِي عَدْلٌ وَاحِدٌ مِنْ مُسْلِمِينَ لِيُرَى الْهِلَالِ فَيَأْخُذُ الْمُسْلِمُونَ بِشَهَادَتِهِ. Donc il dit, il suffit qu'un seul musulman, adl, c'est-à-dire juste, connu pour être juste, ce n'est pas un menteur, c'est quelqu'un de droit, d'accord, un seul suffit qui témoigne d'avoir vu le Hilal, poisson de lune, pour qu'on le croie et qu'on agisse en conséquence. Parmi les musulmans, pas des mécréants, pas des koufars, musulmans. Après il dit, فَقَدْ ثَبَتَ فِي سُنَنَ أَبِي دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ترى الناس والهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. Donc il dit qu'Ibn Omar, il a dit quoi? Que les gens cherchaient à voir la lune, le croissant de lune. Tara, je pense qu'on dirait comme ça. Donc j'ai informé le prophète صلى الله عليه وسلم que moi je l'ai vu. Donc il s'est mis à jeûner tout de suite. C'est-à-dire le lendemain, quoi. Et également, il ordonna à tous les gens de jeûner. Donc Ibn Omar est venu, il a informé qu'il a vu le Hilal, le Nabi sallam l'a cru tout de suite. Fumakal, wasawa ankana azal adlu ni rijali aw min inas. Fakulluhu tasla'u sharatu li dhalika. Et il dit, peu importe que cette personne juste soit un homme ou une femme. D'accord ? À partir du moment où il est juste, son témoignage est pris en compte. Après, la mas'ala, le fait de le voir à l'œil nu, le fait de le voir avec un télescope, les appareils, tout ça, ça rentre dedans. Ça rentre dedans. Demain, par exemple, ils ont un observatoire, comme c'est le cas aujourd'hui, d'accord ? Et qu'ils l'ont vu, elle a été vue. La lune a été vue. Maintenant, quelqu'un le voit de l'œil nu, il y en a qui le voient de l'œil nu, sans télescope, ça, c'est aussi pareil. D'accord. Même demain, par exemple, quelqu'un dit « moi je l'ai vu ». Quelqu'un de fiable dit « moi je l'ai vu ». L'observatoire du gouvernement, nous on l'a pas vu. À la base, on prend le premier qui dit qu'il l'a vu. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de télescope. Et à ce moment-là, c'est des choses de sorte à ce qu'on puisse les voir. Le télescope, c'est juste un appui. C'est tout. C'est un plus. Mais si on n'en a pas, on peut le voir quand même à l'œil nu. Donc celui qui l'a vu à l'œil nu, qui est adl, qui est juste, qui dit « moi j'ai vu le Hilal », ça suffit pour qu'on jeûne. D'accord ? Soit un homme ou une femme. Paye. Ensuite, donc je me suis arrêté où ? Paye. Tart. وكذلك إذا رأى الهلال البلد لازم على البلدان على بلدان المسلمين الأخرى أن يأخذوا بهذا القول إذا كان قد ثبت رؤية العدود لأن المسلمين كلهم مخاطبون بذلك الأمر صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. Donc il dit que si jamais à la base, ça c'est une masala où il y a divergence à la base, mais il donne son avis qu'à la base si jamais le Hilal a été vu dans un pays, cela suffit normalement pour que tous les pays suivent. D'accord ? Tout le pays suivent. Tout le pays des musulmans y suivent. Car le hadith, qu'est-ce qu'il dit ? Le hadith, il dit, qu'on a pris tout à l'heure de Omar, ou plutôt ça c'est notre version, jeûner lors de sa vision et romper lors de sa vision. C'est le même sens que le hadith. Donc là, ce hadith-là, là, tout le monde l'a interprété à sa façon. Là, ils ont dit, jeûner pour sa vision. Donc ils disent, c'est tout le monde. Donc ils disent, non. Jeûner, c'est-à-dire vous, dans votre contrée, pour votre vision à vous. Donc chacun interprète le hadith, c'est pour ça qu'il y a le khilaf après. Un grand khilaf entre est-ce que chacun son pays, ou est-ce qu'un suffit pour tous les musulmans dans le monde entier, et ainsi de suite. Mais la parole qui paraît la plus sûre, c'est celle-là. C'est pour tout le monde à la base. Mais il y a un khilaf aujourd'hui entre les savants, il est connu. Qu'à la base, même s'il y a un décalage horaire, de quelques heures, la lune ne vient pas deux jours après. Le cycle lunaire, il ne vient pas deux jours après. S'il était vu le lundi, ben il sera venu le lundi chez les autres aussi pareil. C'est ça l'asl. Quand même, c'est ça l'asl. Mais après, également, par des fois, beb maslaha, pour éviter des problèmes, des divergences, on les dit, c'est ton pays. Après, ça, un autre sujet. Naam. Thumma qal wa idha ra'u al-hilal fi al-sharq fa innahu labudda an yura aydan fi al-buldan al-gharbiyya li'annaha ba'd matla' al-bilda al-ula al-baldat al-ula wa kadha kullama kanat al-baldatu gharban fala shakk an al-ru'ya tashmaluha. Donc il dit que si jamais par exemple le croissant lune a été vu en Occident, en Orient plutôt, il sera vu en Occident. Il sera vu là-bas aussi. Même s'il y a un décalage, il sera vu aussi. Naam. Tayyib. On va s'arrêter là aujourd'hui, Inch'Allah. Donc le Khurasa. Le récapitulatif qu'on a fait aujourd'hui, c'est premièrement Ramadan, le siyam, sa définition. On a appris qui sont les gens pour qui le jeûne est obligatoire. On a appris l'historique et les étapes avant que le jeûne de Ramadan devienne obligatoire sur la Ummah. D'accord. On a appris certaines excuses. Qui est excusé pour ne pas jeûner, l'expiation, le rattrapage et également la vision de la lune. Takriban. Tamam. Hada wal khurasa. Faman sata'a, réviser demain, je questionne inchallah ta'ala. Faman fuma hada? Afum ya Abdelhamid? Fa ila huna. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.